بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قد أخذنا أمس الدرس في المعرفة والنكرة. طيب عندك يا محمد بارك الله فيك، ما هو المعرفة؟ معرفة معروف بوجود ألف لام. طيب ها قلنا أمس اسم دل على معين و بارك الله فيك. انا سيجي انا دي كوا جافي دوني التعريفه اسم دل على معين سيجي كوا سي تانو كي سينيفي كوا اون شوز بيان بريسيز. والنكره ما هو؟ اسم غير معين دل على غير معين. طيب مثال للمعرفه صبر ان اكزامبل دامو كي معرفه. البيت البيت البيت. طيب هنا البيت معرفه بسبب ماذا؟ البيت pourquoi les معرفه commencer très bien par la présence du alif wa lam al baytun c'est possible limada wa la yajtami'an c'est à dire on peut pas faire entrer le alif wa lam mais également trouver la présence du tanwin c'est pour ça on peut pas dire al baytun. C'est compris ça, Inch'Allah? Andek, ya Abdel Hakim, l'ism al-Nakira, est-ce que ce sera toujours obligé qu'il y aura le son un? Par exemple, Kitab, un, Daftar, un, Majdid, un? À voix haute. Fathati? La. Al-Fatha ou Al-Kasra? Voilà, très bien. Al-Fatha ou Al-Kasra? Et ça, Inch'Allah, on va l'étudier. Vous avez compris ça? Hein, ce ne sera pas toujours obligé. كتابون مسجدون لا إن شاء الله سندرس فيما بعد بإذن الله. مثال يمكن أن تقول اشتريت كتابا نظرت إلى مسجد. vous avez vu un il est منصوب et l'autre il est مجرور et pourtant les deux sont quoi نكرة. نعم طيب إن شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qu'est-ce que je voulais dire En tout cas, le dars de d'hier, il est compris. Hein? Al-Ma'rifa wa al-Nakira. Ça va, Inch'Allah. Les nouveaux mots, comment on dit ancien? Qadim. Taïb. Quelqu'un d'assis? Hein? Jalisun. Très bien. Debout? Waqifun. Très bien. Quelque chose de cassé? Maksourun, très bien, barakallahu fik. Froid. Baridun, très bien. Quelque chose de proche. Karibun, très bien. Et l'inverse, loin. Baidun, très bien, barakallahu fik. Comment on dit un mouchoir? Mindil. Taïb. Lourd. Thaqil. Et léger. Khafif. Propre. Pas révisé. Taïb. Nadif, très bien. Barakallahu fikoum. Il y avait quoi encore? Sal. Wasikhoun. Très bien. Taïb, Inch'Allah, on commence ça. تمارين ستارتي نو النجمة سيسا تي نجمون النجم رجلون الرجل ديكون الديك طالبون طالب تي لا سي كو دو لا ليكتور عندك يا محمد افوا اوتا بور كل مون بروفيت جو كومونس دوك لا فوالا ديسي فوالا النجم بعيد السكر حلو Qu'est-ce que je voulais dire, Afwana? Inch'Allah, je vous laisse lire. S'il y a un mot qui n'est pas compris, qui que ce soit le frère, il lève la main, on traduit, Inch'Allah. Taïb. Bismillah. Vous faites par numéro. C'est, là, le frère Mohamed, il a fait le A. Et là, ce sera le numéro 2. Vas-y, fadda. Je reprends. Ouais, vas-y. Ar-rajulu waqifun. Pas elle. Ici, là, ton taq. Inch'Allah, c'est le dash qu'on va faire aujourd'hui. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu. Tu rends directement dans Ra. Il y a nous, Shamsiya. Ar-rajulu waqifun. Waqifun. طيب وشو بقى السكر السكر السكر خار حلو حلو سيدي سكري ici حلو نعم او دو طيب le sucré sucré طيب le suivant الطالب مريض très bien الطبيب جميل très bien الدكتور جديد très bien à voix haute les frères un peu plus fort hein. التاجر غني répète التاجر غني très bien qu'est-ce que ça veut dire ça c'est le commerçant riche très bien غني ça veut dire riche hein à pas confondre avec rabbi hein ça va se ressembler t'as vu inchallah rabbi ça veut dire quoi qui c'est quelqu'un de bête idiot t'as vu idiot bête non hein rabbi rabbi non Là, on parle de Rani. Au suivant. À voix haute, Mohamed. Regarde, viens de faire une nasiha sur quoi? Adapte le baim. Regarde, tu lis comme ça, du corps. Là. Taïb, Inch'Allah. T'es grand. Adoukan maftouhoun. Voilà. Adoukanou maftouhoun. Al-waladou faqiroun. Très bien. Adoufahou. À voix haute. Adoufahou ladidoun. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une pomme sucre, délicieuse. Mais pas mot par mot, ça fera du bien en France. Te faire, c'est la pomme, la dit pomme délicieuse. Délicieuse, très bien. Barakallahu fik. Au suivant. Tabibu tawilun wal maridu asirun. Très bien. Tu peux traduire Le médecin est grand. Très bien. Et le malade est petit. Très bien, machallah. Tout le monde a compris ces 11 phrases là hein? Et ça, c'est des mots. Il y a certains mots, c'est nouveau, et certains, ils sont normalement appris. Taïb, Saber, vous avez compris, c'est bon ? Le dernier mot, du passir. Passir, ça veut dire quoi ? Il a dit petit de taille. Voilà, on l'a vu ça. C'est un mot qui devait être appris, ça, normalement. Passir, sarir. Taïb, tamarin, iqra waktu ma'adhabt awakhir al-kalimat. On l'a déjà traduit cette phrase, non ? Qui s'en rappelle ? Faudal Abdelkarim. Lire. À voix haute pour que tout le monde entende. Lire et écrire. Pas lire. Ici c'est de l'impératif. Lis. Lis et écrit avec. Toi, comment quand tu vas apprendre à traduire, quand tu veux traduire, traduis dans la tête et après tu formes une bonne phrase en français. Mais si tu traduis mot par mot, ce sera pas joli. Alors, lis. T'as, lis et écrit, ça c'est écrit, bon. Ma'adhabt. Ma'a, ça veut dire avec, mais dans le sens, ça veut dire en. Ça veut dire en quoi? En voyelles, les quoi? La fin des mots. Le fumada? Barakallahu fik. C'est-à-dire là, le dar c'est quoi? Si Alif wa Lam, il n'y aura pas de tanwin. C'est compris ça, Inch'Allah? On s'est arrêté où? À toi? À voix haute, hein? Al-Sabab. C'est où là? Ah non, pardon. Al-Bab. Al-Bab quoi? À la fin. Al-Babu. Al-Babu, na'am. التاجر التاجر نعم كيف سادير الكوميرسان كوميرسان très bien suivant النجم très bien القمر très bien القمر الديكو نعم الماء السريو hein السريو السريو regarde la dernière lettre c'est quoi la dernière lettre السريو السريو نعم كيف سادير La voiture. Et comment on dit un lit ? Sarir. C'est-à-dire, sarir, c'est-à-dire deux mots en même temps. Non, tu fais pas exprès, Mohamed. Non, je fais pas exprès. Comment ? Je t'ai demandé comment on dit une voiture, tu me dis sarir. Et comment on dit un lit, tu me dis sarir. C'est pas possible, ça. Même en français, ça n'existe pas, ça. Un mot qui est à l'opposé de l'autre. Sarir. Qu'est-ce que ça veut dire, sarir ? C'est petit. Le mot qui est devant toi, là. Ah, ça veut dire voiture. Ça veut dire voiture, sarir. Sarir. Andek Lokman, ça veut dire quoi, sarir? Sarir. Ouais, ça veut dire quoi? C'est la voiture. Regarde bien. Sarir. C'est un mot qu'on a étudié. En plus, il nous a fait un dessin, l'auteur du livre. Zallah Khair. Sarir. Jusqu'à maintenant, je crois pas qu'on a vu le mot voiture, non? Taïb. Tu l'as vu. Mahdi, le lit, Inch'Allah. Le suivant. À toi, Lukhmana. Après Sarir. Al-Baytou. Al-Baytou, très bien. Al-Masjidou. Très bien. À ton tour. Rajoul. Al-Sakkaro. La Passaka. Al-Sakkaro. C'est une dame. Al-Sakkaro. C'est pour ça, les frères, apprenez les mots. Inch'Allah, samedi, je vois le daftar de tous les frères. Et comme j'ai dit, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Et on fera une dictée. Comment ? Il dit au moins plusieurs fois. Non, de recopier les mots, c'est tout. C'est déjà bien, c'est un exercice. C'est-à-dire le mot avec la traduction à côté. Je ne savais pas exactement si c'était juste les mots ou les règles. Non, non, un cahier de vocabulaire. Taïb, Inch'Allah. Le dernier mot, al-waraqo. C'est-à-dire quoi ? Feuille. Taïb, Inch'Allah. C'est pour ça, les frères, faites ce cahier. Ça va beaucoup vous aider. Vous prenez un cahier comme ça, comme il a le frère là. T'écris là, leçon 1, et tu mets tout le vocabulaire avec sa traduction. La feuille d'après, leçon 2, avec tout le vocabulaire et la traduction. D'ici à chez toi, tu marches et tu apprends tes mots. Barakallahu fikoum. Taïb, imla al-farag fima yali biwada kalimati munasaba. Taïb, imla, c'est-à-dire quoi ? Rempli. Al-farag, c'est-à-dire le vide. Fima yali, c'est-à-dire dans ce qui suit, biwada kalima. En mettant quoi ? Un mot qui lui convient. Taïb. Wadaraché, c'est-à-dire quoi ? Maître. Taïb. Kalima, c'est un mot. Munasab, c'est quoi ? Qu'il convient. Mais faut maintenant ? Inch'Allah, ça, c'est à apprendre par cœur. Hein. Imla. Imla al-Farah. Naam. Comment ? Al-Farah, j'ai dit que c'était le vide. Naam. Imla al-Farah, hein, remplis le vide, Fima Yali, dans ce qui suit. Et ça, on l'a déjà traduit hier, hein, en plus. C'est ça, c'est vrai, non ? Voilà. C'est ça, les frères. Si vous ne faites pas ce daftar là, c'est dommage. Taïb. Biwada. Le verbe ici, c'est wada'a. Biwada'in, c'est le masdar. Taïb. C'est-à-dire quoi ? En mettant quoi ? Le mot qu'il convient. C'est-à-dire là, on va faire ensemble un. Raniyun. Raniyun, ici, quoi ? Il a une place de quoi ? De khabar, l'information. On fera ce dars. Il lui faut un mot devant. Qu'est-ce que tu mettrais, Wahbi ? At-tajiru, raniyun. Hein ? Sinon, il n'y a pas de mal également. Zaydun, raniyun. Tu nous informes que Zayd est riche. T'as vu ? À toi, Saber, maridun. Vous nous mettez. Je veux dire, Taïb, c'est en 3, le 3. Maridun. Marid, ça veut dire quoi ? Malade. Malade. Un mot avant, devant. Hein ? Al-Rajalou. Al-Rajalou. Al-Rajalou. Maridun. Très bien. À toi, Mohamed, le 5. Al-Tabibu Tawilun. Très bien. Tabibu Tawilun. Bilal ? Al-Sukaru. Hulwun, très bien. Ayman. Excuse-moi, c'est la numéro 4. La 4. Ouais. Al-Tuffah. Al-Tuffah. Très bien. Al-Tuffah. Le dernier, Abdel Hakim. Qasir, qu'est-ce que ça veut dire Qasir ? Court, vas-y, ouais. Comment on dit un professeur petite taille ? Tu dirais comment ? Non, il est devant, Qasir. Mais comment on dit un professeur ? Al-Mudarrisu Qasirun. Très bien. Ah les frères, vous avez vu l'importance d'apprendre les mots ? C'est-à-dire, si lui qui avait appris bien les mots, là il faisait l'exercice très facilement. Naam, Abdel Hakim. Vous voyez ? Grand 3. Ikhtar kalimatan min al-qa'ima. Taïb, tu n'as pas le kalima latif fil qa'ima. Ikhtar, ça veut dire quoi ? Choisir. Voilà, ikhtara, ça veut dire choisir. Ici, il te dit choisir kalimatan. Kalimatan, ici, c'est ma'rifa ou nakira ? Celui qui répond, il donne un dalil à ce qu'il va dire. Hein. Lokman ? C'est nakira. Comment tu as su que c'était nakira ? Parce qu'il est à lui. Très bien, ahsant. Hein ? Il t'a dit choisir un mot min al-qa'ima al-ba, c'est-à-dire de quoi? De la liste B. Vous le voyez? Al-qa'ima, c'est ça. Taïf. Tunasib al-kalima al-latif al-qa'ima al-alif. Qu'il convient dans quoi? Qu'il convient un mot qui est dans quoi? Dans la colonne de alif. Hein, c'est des nouveaux mots, ça, hein, qu'il faudra apprendre également. Al-qa'ima. Vous entourez ça là. Qa'ima. Comme ça, après moi, Inch'Allah, si vous. Voilà, liste, na'am, la liste. Nasab, on l'a vu ça. Nasabaché, qu'il convient. Moi, j'ai mis. Qui convient? C'est la même chose, tout ça. C'est compris, Inch'Allah? On s'est arrêté où? À toi, Mahdi. C'est-à-dire, tu commences, tu regardes. Tu regardes Alif, on a Talibo. À Talibo, tu lui mets un mot qui lui convient dans la colonne de B. C'est rien. Il n'y a pas de mal. À Talibo, Marid. Très bien. Au suivant, à voix haute. Hein. Il est où le Dikoum? Il n'y a pas de Dik, Allah Ibarak. Hein? Au suivant, à toi, Al-Khman. Vas-y, fais le suivant. Ad-Dukanu Maftouhoun. Très bien. Ad-Dukanu Maftouhoun. Au suivant. Ad-Tufahu Ladidoun. Très bien. Al-Ma'u Harroun. Très bien, Mashallah. Al-Ma'u Harroun. Au suivant. Al-Hajaru Thaqilun. Très bien. Al-Qalamu Maksouroun. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Al-Qalamu Maksouroun. Al-Qalamu Maksouroun. Qui doit être ça? Très bien, mashallah. Al-kalimatu al-jadidatu hulwun. On a dit, ça veut dire quoi? Ça peut être doux, mafhoum, ou bon. Taïb, inshallah. Maridun, malade. Ad-dukan, c'est-à-dire quoi? Magasin. Taïb. Ghaniyun, on a dit, ça voulait dire quoi? Riche. Tawilun, grand. Oul, taïb. Faqirun, pauvre. Qasir, petit ou court. At-tufah, la pomme. Taïb, Inch'Allah. Non. Je sais pas. Tout dépend comment tu l'utilises. Asuka, taïb. Également, tu peux dire sucré. Il n'y a pas de mal. Allah ybarik fik. Taïb. Ouais. La différence entre sahir et nous, comme j'ai dit hier. Sahir, sahir, c'est en âge. Qasir, sans taille. C'est l'âge. Oui, sahir. Waladun sahir. Et quand tu dis par exemple Rajul Qasir, c'est un homme petit de taille, court. Ça, ce serait plutôt la taille. L'autre, c'est l'âge. Voilà. D'accord, Inch'Allah? C'est pour ça, le mieux, si vous traduisez par court. Ou sinon, petit de taille. S'il y a écrit déjà petit, vous mettez de taille. Taïb, Inch'Allah? بسم الله الحروف القمرية والحروف الشمسية ça c'est pas trop tard pour vous là hein c'est bon hein طيب ايوه طيب on a pris quoi on a pris juste ça là طيب الحروف القمرية c'est à dire quoi les lettres lunaires طيب والحروف الشمسية les lettres solaires طيب فالتعريف الحروف القمرية يذكرون هي التي لا تدغم طيب نعم هي التي لا تدغم في حرف الذي بعدها وهي تكتب وتقرأ طيب كيف veut dire ça بارك الله فيكم c'est-à-dire الحروف القمرية الألف واللام il s'écrit et il se prononce. Tu ne fais pas rentrer l'un dans l'autre, comme on va le voir, Inch'Allah. Par exemple, tu dis quoi? Comment on dit la porte? Avec Alif ou Al-Lam. Al-Baytou. Al-Baytou, c'est bien aussi, mais la porte. Baytoun. La porte. Bayt. La porte. Ouais, une porte, c'est quoi une porte? Al-Bayt. Non. Barakallahu fik. Al-Babou. Al-Babou, c'est bien, mashallah. Taïb. Al-Babou. Quand je dis Al-Bab là, faites attention, est-ce que vous entendez l'alif al-lam? Al-babu. C'est vrai ou non? Je le prononce et en plus il sera écrit. Vous avez compris? Mais si je dis Shamsu, on entend Alif Lam ou je rentre directement dans le Chine? Saber, vous avez fait attention? Wahabi, tout le monde a fait Lokman? Vous avez compris ça? C'est ça la différence entre le Qamariya ou le Shamsiya. Mais faut m'aider. Et ça, c'est du par cœur. Mais comment on sait quand utiliser Harouf Qamariya et Harouf Shamsiya? C'est-à-dire comment tu veux dire? Comment tu sais? Il y a des mots, on peut les mettre avec les deux, non? C'est-à-dire un mot, il peut être Shamsiya et Qamariya en même temps? Ouais. Non, c'est pas possible. Parce que regarde, là, il y a une liste. C'est pour ça que j'ai dit ce dars-là, c'est du par cœur. C'est-à-dire tu vas apprendre les lettres lunaires et ce qui va rester, ce sera quoi? Par exemple, si tu veux pas apprendre tout, tu apprends la colonne de quoi? Al-Huruf al-Qamariya. Ce qui restera, ce sera quoi? Al-Shamsiya. Mais Fumada, c'est-à-dire si tu as bien compris la règle, Inch'Allah, Al-Huruf al-Qamariya, Tuktab wa Tuntaq. C'est-à-dire également, elle se lise. Al-Babu, vous avez compris? Al-Ab, Al-Jannah, ila akhir. Vous avez compris ça? Alors que ce qu'on va voir après Al-Huruf al-Shamsiya, Al-Tajiru, Al-Thawb, Al-Dik, tu dis pas Al-Tajiru. La Dakhata. C'est bien compris ça, Inch'Allah? Alors, je répète, hein. Al-Huruf al-Qamariya, hiya allati la tudgham fi al-harf alladhi ba'daha, wa hiya tuktab wa tuqra. Taïb? Naam, hiya allati la tudgham. Naam. Fi harf alladhi ba'daha, c'est-à-dire dans la lettre qui sera après. Taïb? Wa hiya tuktab wa tuqra, c'est-à-dire elle se lit et elle s'écrit. طيب ان شاء الله اما الحروف الشمسيه هي التي تدغم c'est-à-dire quoi تدغم c'est-à-dire dans la main c'est-à-dire elle rentre l'une dans l'autre في حرف الذي بعدها وهي تكتب ولا تقرا c'est-à-dire elle s'écrit mais tu la prononceras pas. طيب tu comprends Abdel Hakim? Mohamed, t'as compris? Qu'est-ce que t'as compris? Bien. Dans chaque sion, on passe à la lettre qui est avec... Barakallahu fik. Abou Lokhman, c'est compris? Abdelkarim? Mohamed, c'est bon? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Bien ou... Non, ça va. T'as... Là, on va aller... Tadda, vas-y. Je peux faire une remarque. Non, il n'y a pas de mal. Si ça peut servir. Moi, j'ai remarqué tout à l'heure, en lisant ça à la maison, ouais. Parce que je n'avais pas compris avec le frère à sa mère, peut-être qu'il l'a écrit ou pas. Est-ce que c'est une bonne remarque? Quand on le voit écrit le mot, il est facile de se rappeler que c'est un solaire. Parce qu'il y a toujours le shadda. Oui, il y a une shadda. Mais nous, maintenant, là, c'est les livres 1. Mais maintenant, il y a certains livres, il n'y aura plus de shadda ni de voyage. Voilà, ce sera à toi d'apprendre. Vous avez compris ça? Mais les livres comme ça de débutants, il vous les a fait pour vous aider. Al-Rajulu, Al-Thawb, Al-Dik. Ça aide, parce qu'automatiquement, on voit un signe. Mais dans certains, par exemple, l'exercice qui va suivre, vous allez voir, il n'y a rien. Et ce sera à vous de le différencier par rapport à quoi? À ce que vous avez étudié. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Taïb. Chacun lit un numéro et il traduit à voix haute. Hein? Faddala Muhammad. On commence par la colonne Al-Huruf al-Qamariya. Nabda, min Huruf al-Qamariya. Al-Abu. Non. C'est-à-dire? Non. Comment tu dis, mon père? Abi. Taïb. Barakallahu fikoum. Al-Ab, c'est-à-dire père. Al-Khwa, là. Et le suivant? Al-Babu, la porte. La porte, très bien. Al-Jannatu. Al-Jannatu, non, jardin, paradis. Taïb. Mais si on dit Al-Jannah, Inch'Allah, c'est le paradis. Barakallah. Mais sinon, parce que les jardins, on peut l'utiliser comme boustan. Il faut? Inch'Allah. Le suivant? Al-Himar. L'an. Il y a quelque chose avant, je crois. Non, il n'y a pas un mot avant? Elle quoi? Al-Khubz, alhamdoulilah. D'ailleurs, c'est-à-dire quoi al-Khubz? Le pain. À voix haute, les frères. Tout le monde veut que profite. Al-Ayn, l'œil. L'œil, ou également on peut dire une source. D'ailleurs, Ayn. Al-Rada, c'est le repas. Non. Là, c'est à midi ça, al-Rada. Sinon, la Acha, c'est le soir. Al Asha et la prière, comment on dit la prière du soir? Al Isha. Hein? C'est-à-dire si quelqu'un il apprend pas ce mot-là par cœur, dans une phrase, il ne saura pas quand c'est quoi. Parce qu'il n'y aura pas le tashkil. Asha et Isha, ça s'écrit pareil. Au suivant. Al-Famu, ça veut dire quoi? Comment? Je t'entends vraiment pas. Al-Famu. Le verbe comprendre. Ça, c'est pas ça. C'est Fahima, le verbe comprendre. Comment on dit la bouche? C'est pas. Famun. T'as vu? C'est-à-dire bouche, ça. Barakallahu fik. Au suivant. La lune, très bien. Al-Kalbu, le chien. Avant Ota, Al-Kalbu, le chien. À toi. Al-Ma'o, l'eau. L'eau, très bien. Al-Waladu, l'enfant. Naam. Al-Hawa'u. Al-Hawa'u. L'air. Naam. Et après, il peut avoir un autre sens, la passion. La passion également. Pas le fruit de la passion, celui qui suit ses passions. Vous avez compris ça? Mais sinon, le mot en lui-même, c'est quoi? C'est l'air. Al-Hawa. Vous comprenez ça? Voilà. Pour ça, on dit quoi? Ashab al-Hawa. Les innovateurs, ceux qui suivent leur passion. Vous comprenez? Et même en français, ça existe, ça. Il suit ses passions, on dit. Vous comprenez ça? Ça dépend de quel sens il emploie. Voilà. Mais sinon, le mot à la base, al-Hawa, c'est le sens de quoi? De l'air. Au fond, au suivant. La main. La main. Non, c'est pas. Taïb. Al-Huruf al-Shamsiya. Bismillah. Le commerçant. Aussi un petit peu le ton, les frères, pour que tout le monde profite. Naam, ya Abou Al-Hawa, on ne peut pas traduire par le temps? Là. Le temps, c'est le Jaou. Al-Hawa, c'est, on a dit l'air ou la passion. Taïb, Inch'Allah. À toi, Abdel Hakim. Al-Thabou. Il y a une prolongation après le Tha? Quelle prolongation, c'est quoi? Est-ce que c'est pour ça, ce que tu viens de dire, c'est une grande faute? La prolongation de la Fetha, c'est quoi? C'est l'alif. Ça ne peut pas être le waouh. T'as compris ça? Même ça, ça peut vous aider. Si tu veux prolonger la Fetha, c'est un alif. Si tu veux prolonger le son du Kasra, ce sera quoi? Un ya. Si tu veux prolonger le son de la dama, ce sera al waouh. Mais faut madame. Barakallahu fik. Très bien. À voix haute, les frères, aussi le ton, les frères. L'habit, très bien. Le coq, comme il y a l'alif wal lam. Hein? S'il te plaît, ouvre là-bas, hausse le ton, Allah ybarak fik. Hausse le ton, s'il te plaît. Allah? A toi, Abou Lokhman. Là, j'ai pas entendu. Je sais même pas comment il lit, le frère. Vous avez entendu? Il a dit Mabou. Hein? Il a dit quoi? Elle a dit Mabou. Elle l'a dit Mabou. Il ouvre le mime ici pour dire Mabou. Au suivant, au suivant. Al-Dhahabou, l'or. Al-Dhahabou, l'or. Très bien. Al-Rajoulou, l'homme. Naam. Al-Zahraou. Zahratou. Zahratou. La fleur. La fleur, hein? Zahra. Al-Samako, le poisson. Très bien. Al-Shamsou, le soleil. Le soleil. Al-Sadr, la poitrine. La poitrine également, il peut être quoi? Le début. Hein? Al-Sadr al-Kalam. T'as vu? Mais sinon, le mot en lui-même, c'est la poitrine. Waifu, l'invité. Naam. Talibou, l'étudiant. Naam. Non, c'est pas Al-Dhahar. Le dos. Naam. Al-Lahmou. Ça veut dire la viande. Naam. Suivant. Al-Najmou. Ça veut dire Al-Najmou. Ça veut dire l'étoile. L'étoile. Très bien. Là, vous avez combien de mots? 28 mots, Inch'Allah. À apprendre par cœur. Ça y est. تمرين اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. طيب je traduis la phrase. Il te dit اقرأ الكلمات, c'est-à-dire lis les mots suivants et écris-les en prenant compte de quoi? Des règles de prononciation. Hein? Kawaid, c'est-à-dire quoi? Les règles. Vous avez Inch'Allah? Après, je vous la traduis, Inch'Allah. Mora'iyan, c'est-à-dire quoi? En tenant compte. Taïb? Comment? Je répète, Inch'Allah. Taïb. Iqra al-kalimat al-atiya. C'est connu, ça, maintenant. Lis les mots suivants. Waktubha, c'est-à-dire quoi? Écris-les. Mora'iyan, en tenant compte de quoi? Des règles de prononciation. Al-huruf al-qamariya wa shamsiya. C'est compris là? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Mohamed, c'est bon? Mila? Ayman? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Abdel Hakim? Oui ou? C'est vrai? Oui. Comment? Les règles. Là, le harouf, c'est les lettres. La règle, c'est qawa'id. C'est le pluriel de qa'ida. Mettez une flèche ici. Moi, Inch'Allah, après moi, je vais la traduire, Inch'Allah. Je vais vous l'écrire. C'est compris l'exercice, Inch'Allah ? Je répète une dernière fois pour que tout le monde comprenne. Iqra al-kalimat al-atiya. Il vous dit, lis les mots suivants. Waktubha mura'iyan. Et puis, écris-les en tenant compte quoi ? Des règles de prononciation. Al-huruf al-qamariya, c'est-à-dire quoi ? Les lettres lunaires et solaires. Taïb, Inch'Allah ? Al-huruf, c'est quoi ? C'est le pluriel de quoi ? De harf. Taïb, Inch'Allah ? Harfoum, c'est une lettre. Al-huruf, c'est les lettres. Taïb, Inch'Allah ? On s'est arrêté où ? Qui a fait là ? C'est Abou Lokhmana. C'est à toi alors. À voix haute pour tout le monde. Al-baytou. Al-baytou, c'est quoi ça ? Qamariya ou Shamsiya ? Qamariya. Qamariya. Hein ? Le fait que c'est une lettre Qamariya le bas. On prononce le alif ou al-lam. À toi, Mohamed. Addik, c'est l'école. Ouais. C'est Shamsiya. Inch'Allah, tout le monde a compris. Hein. Mais vous dites hein, ce que vous. Taïb, Inch'Allah, je vous laisse lire et vous me dites Shamsiya ou Khamariya. Et Inch'Allah, vous traduisez si vous connaissez. Au suivant. Al-Mudarrisu Khamariya. Yashalad. Al-Mudarrisu Qamariya, le professeur. Très bien, mashallah. Al-Babu Qamariya, la porte. La porte, la maison, non? Hein? La maison? Très bien, mashallah. La porte. C'est bon? Al-Talib. Shamsiya, c'est l'étudiant. L'étudiant, très bien. Al-Sukkaru, c'est le sucre, c'est Shamsiya. Très bien. Al-Daftaru. Shamsiya, c'est le livre, le cahier. Le cahier. Le livre, comment on dit ? Kitab. Al-Kitab, très bien. Al-Akh, le frère de Ali. Très bien. Al-Rasoul, Shamsiya. Et ça veut dire quoi, Rasoul ? Le prophète Sassan. Là, c'est le prophète Sassan ? Le messager. Hein ? L'envoyé. Taïb ? Allah ybarik. Mais là, tu ne peux pas dire le prophète Sassan. Hein. Al-Rasoul. Taïb ? Au suivant. Al-Wajj, le visage. Le visage, mais c'est quoi Shams? Qamariya. Qamariya, taïb. As-Sadiq. A voix haute, Abdelkari. As-Sadiq. As-Sadiq. Donc c'est Shamsiya. Naam. Par contre, je sais. Attends. L'ami. L'ami, camarade. Naam. L'ami, camarade. Taïb. Al-Qur'an. Qamariya. Qamariya. Ou Al-Qur'an. Naam. As-Sada, Shamsiya. La prière, elle se traduit. As-salam. Voilà, fait. Suivant. Al-Ka'ba. C'est où, vers où on prie ? La Mecque ou il y a la Ka'ba ? Ka'ba. Non. Ka'ba. Elle n'a pas Ka'bu. Al-Ka'ba tout. Menu de tashkil. Al-Ka'ba tout. Non. C'est quoi ça ? Qamariya. Qamariya, très bien. Au suivant. Ras. Na. C'est la tête. La tête, très bien. Al-Isba. Qamariya, naam. Al-Sabun. Al-Sabun. Ça doit aller vite les frères, ça, hein, non? Savon, ça veut dire quoi? Phrase du français, savon. T'as vu? Suivant. Regarde bien. Shamsia, ça veut dire l'ongle. Au suivant. Fajr, Kamaria. Al Fajrou. Non, Kamaria, ça veut dire quoi? Le matin. L'aube, pas le matin. L'aube. Au suivant. Abdohor. Shamsia. Non, c'est la prière de Dohra. Suivant. El Asr. Comment? Tu lis pas, le frère il a cru que t'as lu, lis à voix haute. C'est ça, Abdelkarim, lis à voix haute. Al-Asr. Al-Asr. C'est l'Asr. C'est. Qamariya. Naam. Al-Maghrib. Naam. Qamariya. Al-Qamariya. Mais également, Afwan, Al-Maghrib ça peut être également quoi? Le côté de l'ouest. Hein? C'est pour ça qu'on dit Al-Maghrib Al-Arabi. Et si on dit Al-Maghrib, ça peut être le Maroc également. Le Fomada, c'est-à-dire ça peut être l'ouest. Al-Maghrib al-Arabi, ça parle de nous. Par exemple, quand on dit Maghrib al-Arabi, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et si on, le pays en lui-même, Al-Maghrib, c'est quoi? C'est le Maroc. Vous avez tous compris ça, Inch'Allah? Car il a à peu près trois sens. Barakallahu fikoum. Le suivant. Al-Aisha, Qamariya. Non. C'est la prière, hein? Salat al-Aisha. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Demain, on fera la leçon kata. Et révisez bien, Inch'Allah. Et demain, on posera des questions sur Qamariya.